Section 4. De Essai sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Chapitre 23 à 32. Chapitre 23. Poésie à Sparte. Premier chant de Tyrthée. Le Brin. Second chant de Tyrthée. Hymne des Marseillais. Chœur spartiate, strophe des enfants, chanson en l'honneur d'Harmodius, épitaphe de Marat. Tandis que Pisistrate et ses fils cherchaient par les beaux-arts à corrompre les Athéniens pour les asservir, les mêmes talents servaient à maintenir les mœurs à Lacédémone. C'est ainsi que le vice et la vertu savent faire un différent usage des présents du ciel. Les vers de Tyrthée, qui commandaient autrefois la victoire, étaient encore redits par les Spartiates. Ils méritent toute la réputation dont ils jouissent. Rien de plus beau, de plus noble, que les fragments qui nous en restent. Je m'empresse de les donner au lecteur. Premier chant guerrier. Celui-là est peu propre à la guerre qui ne peut d'un œil serein voir le sang couler et ne brûle d'approcher l'ennemi. La vertu guerrière reçoit la couronne la plus éclatante, c'est celle qui illustre un héros. Vraiment utile à son pays est le jeune homme qui s'avance fièrement au premier rang. Il reste sans s'étonner, bannit toute idée d'une fuite honteuse, se précipite au-devant du danger et, prêt à mourir, fait face à l'ennemi le plus proche de lui. Vraiment excellent, vraiment utile est ce jeune homme. Les phalanges redoutables s'évanouissent devant lui. Il détermine par sa valeur le torrent de la victoire. Mais si le bouclier est percé de 1000 traits, si, la poitrine couverte de 1000 blessures, il tombe sur le champ de bataille, quel honneur pour sa patrie, ses concitoyens, son père. Jeunes et vieux, tous le pleurent, il emporte avec lui l'amour d'un peuple entier. Sa tombe, ses enfants, sa postérité, même la plus reculée, attirent le respect des hommes. Non, il ne meurt point, le héros sacrifié à la patrie, il est immortel. Ce morceau est sublime. Il n'y a là ni fausse chaleur, ni torture de mots, ni toute cette enflure moderne dont Voltaire commençait déjà à se plaindre, et que Lila Harpe, et après lui plusieurs littérateurs distingués, cherchèrent en vain à contenir. Les Français ont aussi célébré leur combat. Voici comment M. Lebrun a chanté les victoires de la République. Chant du banquet républicain pour la fête de la victoire. Au jour d'éternelle mémoire, embellis-toi de nos lauriers. Siècle, vous aurez peine à croire les prodiges de nos guerriers. L'ennemi disparu fuit au bois l'onde noire. Sous des lauriers que Bacchus adatterait, enivrons, mes amis, la coupe de la gloire d'un nectar pétillant et frais. Buvons, buvons à la victoire, fidèle amante du français. Buvons, buvons à la victoire. Liberté, préside à nos fêtes, jouis de nos brillants exploits. Les Alpes ont courbé leurs têtes et n'ont pu défendre les rois. Les ridans comptent aux mers nos rapides conquêtes, sous des lauriers que Bacchus adatterait, etc. L'Ada, sur ses gouffres avides, offre un pont de foudre armé. Mars s'étonne, mais nos Alcides dévorent l'obstacle enflammé. La victoire a pâli pour ses cœurs intrépides, sous des lauriers que Bacchus adatterait, etc. Tout cède au bras d'un peuple libre, les rochers, les torrents, le sort. De ces coups dont gémit le Tibre, le sud épouvante le nord. Des balances de Pitt nous rompons l'équilibre, sous des lauriers que Bacchus adatterait, etc. Sa gaieté, fille du courage, par un sourire belliqueux, déconcerte la sombre rage de l'anglais morne et ténébreux. Le français chante encore en volant au carnage, sous des lauriers que Bacchus adatterait, etc. Rival de la flamme et des halles, le français triomphe en courant, pareil à la foudre qui vole, il renverse l'aigle expirant, le despote sacré tombe du Capitole, sous des lauriers que Bacchus adatterait, etc. Sous la main de nos praxitèles, respirez, marbre de Paros, muse, vos lyres immortelles nous doivent l'hymne des héros. Il faut de nouveaux chants pour des palmes nouvelles, sous des lauriers que Bacchus adatterait, etc. Dans le second chant de Tyrthée qu'on va lire, ce poète a déployé toutes les ressources de son génie. À la fois pathétique et élevé, son vers gémit avec la patrie où brûlent tous les feux de la guerre. Pour exciter le jeune héros à la défense de son pays, il appelle toutes les passions, touche toutes les cordes du cœur. Ce fut sans doute un pareil chant qui ramena une troisième fois à la charge les Lacédémoniens vaincus et leur fit conquérir la victoire en dépit de la destinée. Second chant guerrier, qu'il est beau de tomber au premier rang en combattant pour la patrie. Il n'est point de calamité pareille à celle du citoyen forcé d'abandonner son pays. Loin des doux lieux qui l'ont vu naître, avec une mère chérie, un père accablé sous le poids des ans, une jeune épouse et des petits-enfants entre ses bras, il erre en mendiant un pain amer dans la terre de l'étranger. Objet du mépris des hommes, une odieuse pauvreté le ronge, son nom s'avilit, ses formes jadis si belles s'altèrent, une anxiété intolérable, un mal intérieur s'attache à sa poitrine, bientôt il perd toute pudeur et son front ne sait plus rougir. Ah, mourons s'il le faut pour notre terre natale, pour notre famille, pour la liberté. Héros de Sparte, combattons étroitement serrés. Qu'aucun de vous ne se livre à la crainte ou à la fuite. Prodigue de vos jours, dans une fureur généreuse, précipitez-vous sur l'ennemi. Gardez-vous d'abandonner ces vieillards, ces vétérans dont l'âge a roidi les genoux. Quelle honte, si le père périssait plus avant que le fils dans la mêlée, de le voir, avec sa tête chenue, sa barbe blanche, se débattant dans la poussière, et lorsque l'ennemi le dépouille, couvrir encore de ses faibles mains sa nudité sanglante. Ce vieillard est en tout semblable au jeune guerrier. Il brille des fleurs de l'adolescence. Vivant, il est adoré des femmes et des hommes. Mort, on lui décerne une couronne. Ô Spartiates, marchons donc à l'ennemi. Marchons le pas assuré, chaque héros ferme à son poste et se mordant les lèvres. L'hymne des Marseillais n'est pas vide de tout mérite. Le lyrique a eu le grand talent d'y mettre de l'enthousiasme sans paraître ampoulé. D'ailleurs, cette ode républicaine vivra parce qu'elle fait époque dans notre révolution. Enfin, elle mena tant de fois les Français à la victoire qu'on ne saurait mieux la placer qu'auprès des chants du poète qui fit triompher Lacédémone. Nous en tirerons cette leçon affligeante que dans tous les âges, les hommes ont été des machines qu'on a fait s'égorger avec des mots. Hymne des Marseillais. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent, jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchez, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Cœur, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves, ces fers, des longtemps préparés? Français, pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter? C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Aux armes, citoyens, etc. Quoi, des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers? Quoi, ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers? Grand Dieu, par des mains enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient, de vils despotes deviendraient les maîtres de nos destinées? Aux armes, citoyens, etc. Tremblez, tyrans, et vous, perfides, l'opprobre de tous les partis. Tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Tout est soldat pour vous combattre. S'ils tombent, nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau, contre vous tout prêts à se battre. Aux armes, citoyens, etc. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Cœur, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Au fait de Lacédémone, les citoyens chantaient en chœur, les vieillards, « Nous avons été jadis jeunes, vaillants et hardis. Les hommes faits, nous le sommes maintenant, à l'épreuve à tout venant. Les enfants, et nous un jour le serons, qui bien vous surpasseront. » C'est de là que les Français ont pu emprunter l'idée de la strophe des enfants, ajoutée à l'hymne des Marseillais. « Nous entrerons dans la carrière, quand nos aînés ne seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. » Si les Français paraissent l'emporter ici, à Sparte, on voit les citoyens. À Paris, le poète. Nous finirons cet article par les vers qu'on chantait en l'honneur des assassins d'Hipparque en Grèce et par l'épitaphe que les Français ont écrite à la louange de Marat. La misère et la méchanceté des hommes se plaisent à répéter les noms qui rappellent les malheurs des princes. La première y trouve une espèce de consolation, la seconde se repaît des calamités étrangères. Il n'y a qu'un petit nombre d'êtres obscurs qui pleurent et se taisent. Chanson en l'honneur d'Harmodius et d'Aristogiton. Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, comme firent Harmodius et Aristogiton quand ils tuèrent le tyran et qu'ils établirent dans Athènes l'égalité des lois. Cher Harmodius, vous n'êtes point encore mort. On dit que vous êtes dans les îles des Bienheureux, où sont Achille, au pied léger, et Diomède, ce vaillant fils de Tidée. Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, comme firent Harmodius et Aristogiton quand ils tuèrent le tyran Hipparque dans le temps des Panathénées. Que votre gloire soit éternelle, cher Harmodius, cher Aristogiton, parce que vous avez tué le tyran et établi dans Athènes l'égalité des lois. Épitaphe de Marat. Marat, l'ami du peuple et de l'égalité, échappant aux fureurs de l'aristocratie, du fond d'un souterrain, par son mal génie, foudroya l'ennemi de notre liberté. Une main parricide osa trancher la vie de ce républicain, toujours persécuté. Pour prix de sa vertu constante, la nation reconnaissante transmit sa renommée à la postérité. Je demande pardon au lecteur de lui rappeler l'idée d'un pareil monstre par des vers aussi misérables, mais il faut connaître l'esprit des temps. Chapitre 24. Philosophie et politique. Les sages, les encyclopédistes, opinions sur le meilleur gouvernement, Thalès, Solon, Périandre, etc., Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, morale, Solon, Thalès, La Rochefoucauld, Champfort, parallèle de Jean-Jacques Rousseau et d'Héraclite, lettre à Darius, lettre au roi de Prusse. Tandis que les beaux-arts commençaient à briller de toutes parts dans la Grèce, la politique et la morale marchaient de concert avec eux. Il s'était formé une espèce de compagnie connue sous le nom des sages, de même que de nos jours en France, nous avons vu l'association des encyclopédistes. Mais les sages de l'Antiquité méritaient cette appellation. Ils s'occupaient sérieusement du bonheur des peuples, non de vains systèmes. Bien différents des sophistes qui les suivirent et qui ressemblèrent si parfaitement à nos philosophes. À la tête des sages paraissait Thalès de Milet, astronome et fondateur de la secte lyonique. Il enseignait que l'eau est le principe matériel de l'univers sur lequel Dieu a agi. Ce fut lui qui jeta en Grèce les premières semences de cet esprit métaphysique si inutile aux hommes et qui fit tant de mal à son pays dans la suite et qui a depuis perdu notre siècle. Chilon, Bia, Cléobule sont à peine connus. Pittacus et Périandre, malgré leurs vertus, consentirent à devenir les tyrans de leur patrie. Le premier régna à Mytilène, le second à Corinthe. Peut-être pensait-il comme Cicéron, que la souveraineté préexiste non dans le peuple, mais dans les grands génies. Voici les opinions de ces philosophes sur le meilleur des gouvernements. Selon Solon, c'est celui où la masse collective des citoyens prend part à l'injure offerte à l'individu. Selon Bias, celui où la loi est le tyran. Selon Thalès, celui où règne l'égalité des fortunes. Selon Pittacus, celui où l'honnête homme gouverne et jamais le méchant. Selon Cléobule, celui où la crainte du reproche est plus forte que la loi. selon Chilon, celui où la loi parle au lieu de l'orateur, selon Périandre, celui où le pouvoir est entre les mains du petit nombre. Montesquieu laisse cette grande question indécise. Il assigne les divers principes des gouvernements et se contente de faire entendre qu'il donne la préférence à la monarchie limitée. « Comment prononcerai-je, dit-il quelque part, sur l'excellence des institutions, moi qui crois que l'excès de la raison est nuisible et que les hommes s'accommodent mieux des parties moyennes que des extrémités ?»« Quand on demande, dit Jean-Jacques Rousseau, quel est le meilleur gouvernement, on fait une question insoluble, comme indéterminée, ou, si l'on veut, elle a autant de bonnes solutions qu'il y a de combinaisons possibles dans les positions absolues ou relatives des peuples. Posons la morale des sages. Qu'en tout, la raison soit votre guide. Contemplez le beau. Dans ce que vous entreprenez, considérez la fin. Il y a trois choses difficiles. Garder un secret, souffrir une injure, employer son loisir. Visite ton ami dans l'infortune plutôt que dans la prospérité. N'insulte jamais le malheureux. L'or est connu par la pierre de touche, et la pierre de touche de l'homme est l'or. Connais-toi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Sachez saisir l'occasion. Le plus grand des malheurs est de ne pouvoir supporter patiemment l'infortune. Rapporte au Dieu tout le bien que tu fais. N'oublie pas le misérable. Lorsque tu quittes ta maison, considère ce que tu as à faire. Quand tu y rentres, ce que tu as fait. Le plaisir est de courte durée, la vertu est immortelle. Cachez vos chagrins. Montrons notre philosophie. Il n'est pas si dangereux de faire du mal à la plupart des hommes que de leur faire du bien. Les rois font des hommes comme des pièces de monnaie, ils les font valoir ce qu'ils veulent. Et l'on est forcé de les recevoir selon leur cours et non pas selon leur véritable prix. On aime mieux dire du mal de soi que de n'en point parler. Il y a à parier que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. Les gens faibles sont les troupes légères des méchants, ils font plus de mal que l'armée même, ils infestent, ils ravagent. Il faut convenir que pour être homme en vivant dans le monde, il y a des côtés de son âme qu'il faut entièrement paralyser. C'est une belle allégorie dans la Bible que cet arbre de la science du bien et du mal qui produit la mort. Cet emblème ne veut-il pas dire que lorsqu'on a pénétré le fond des choses, la perte des illusions amène la mort de l'âme, c'est-à-dire un désintéressement complet sur tout ce qui touche les autres hommes. Solon, prévoyant le danger des spectacles pour les mœurs, disait à Thespis « Si nous souffrons vos mensonges, nous les retrouverons bientôt dans les plus saints engagements. » Jean-Jacques écrivait à D'Alembert « Je crois qu'on peut conclure de ces considérations que l'effet moral des théâtres et des spectacles ne saurait jamais être bon ni salutaire en lui-même, puisqu'à ne compter que leurs avantages, on n'y trouve aucune sorte d'utilité réelle sans inconvénient qui ne la surpasse. Or, par une suite de son inutilité même, le théâtre, qui ne peut rien pour corriger les mœurs, peut beaucoup pour les altérer. En favorisant tous nos penchants, il donne un nouvel ascendant à ceux qui nous dominent. Les continuelles émotions qu'on y ressent nous énervent, nous affaiblissent, nous rendent plus incapables de résister à nos passions, et le stérile intérêt qu'on prend à la vertu ne sert qu'à contenter notre amour-propre sans nous contraindre à la pratique. Après ces premiers sages, nous trouvons Héraclite d'Éphèse, qui semble avoir été la forme originale sur laquelle la nature moula parmi nous le grand Rousseau. De même que l'illustre citoyen de Genève, le philosophe grec fut élevé sans maître, et du tout à la vigueur de son génie. Comme lui, il connut la méchanceté de nos institutions et pleura sur ses semblables. Comme lui, il crut les lumières inutiles au bonheur de la société. Comme lui encore, invité à donner des lois à un peuple, il jugea que ses contemporains étaient trop corrompus pour en admettre de bonnes. Comme lui, enfin, accusé d'orgueil et de misanthropie, il fut obligé de se cacher dans les déserts pour éviter la haine des hommes. Il sera utile de rapprocher les lettres que ces génies extraordinaires écrivaient aux princes de leur temps. Darius, fils d'Hystaspe, avait invité Héraclite à sa cour. Le philosophe lui répondit « Héraclite, au roi Darius, fils d'Hystaspe, salut. Les hommes foulent aux pieds la vérité et la justice. Un désir insatiable de richesses et de gloire les poursuit sans cesse. Pour moi qui fuis l'ambition, l'envie, la vaine émulation attachée à la grandeur, je n'irai point à la cour de Suse, sachant me contenter de peu et dépensant ce peu selon mon cœur. Au roi de Prusse, à Moitié-Travers, ce 30 octobre 1762. Sire, vous êtes mon protecteur, mon bienfaiteur, et je porte un cœur fait pour la reconnaissance. Je veux m'acquitter avec vous si je puis. Vous voulez me donner du pain? N'y a-t-il aucun de vos sujets qui en manque? Ôtez de devant mes yeux cette épée qui m'éblouit et me blesse. Elle n'a que trop bien fait son service, et le sceptre est abandonné. La carrière des rois de votre étoffe est grande, et vous êtes encore loin du terme. Cependant le temps presse, et il ne vous reste pas un moment à perdre pour y arriver. Sondez bien votre cœur, ô Frédéric. Pourrez-vous vous résoudre à mourir sans avoir été le plus grand des hommes? Puissais-je voir, Frédéric, le juste et le redouté, couvrir enfin ces états d'un peuple heureux dont il soit le père? Et Jean-Jacques Rousseau, l'ennemi des rois, ira mourir au pied de son trône. Que votre majesté daigne agréer mon profond respect. La noble franchise de ces deux lettres est digne des philosophes qui les ont écrites. Mais l'humeur perce dans celle d'Héraclite. Celle de Jean-Jacques, au contraire, est pleine de mesure. On se sent attendrir par la conformité des destinées de ces deux grands hommes, tous deux nés à peu près dans les mêmes circonstances et à la veille d'une révolution, et tous deux persécutés pour leurs opinions. Tel est l'esprit qui nous gouverne. Nous ne pouvons souffrir ce qui s'écarte de nos vues étroites, de nos petites habitudes. De la mesure de nos idées, nous faisons la borne de celle des autres. Tout ce qui va au-delà nous blesse. Ceci est bien, ceci est mal, sont les mots qui sortent sans cesse de notre bouche. De quel droit osons-nous prononcer ainsi? Avons-nous compris le motif secret de telle ou telle action? Misérables que nous sommes, savons-nous ce qui est bien, ce qui est mal? Tendres et sublimes génies d'Héraclite et de Jean-Jacques, que sert-il que la postérité vous ait payé un tribut de stériles honneurs, lorsque, sur cette terre ingrate, vous pleuriez le malheur de vos semblables, vous n'aviez pas un ami? Cherchons le résultat de ce tableau comparé des Lumières, voyons d'abord quelle différence se fait remarquer entre les définitions du meilleur gouvernement. Les sages de la Grèce aperçurent les hommes sous les rapports moraux, nos philosophes d'après les relations politiques. Les premiers voulaient que le gouvernement découlât des mœurs, les seconds que les mœurs fluassent du gouvernement. Les légistes athéniens, subséquents au temps des Lycurgues et des Solons, s'énoncèrent dans le sens des modernes. La raison s'en trouve dans le siècle. Platon, Aristote, Montesquieu, Jean-Jacques vécurent dans un âge corrompu. Il fallait alors refaire les hommes par les lois. Sous Thalès, il fallait refaire les lois par les hommes. J'ai peur de n'être pas entendu, je m'explique. Les mœurs, prises absolument, sont l'obéissance ou la désobéissance à ce sens intérieur qui nous montre l'honnête et le déshonnête, pour faire celui-là et éviter celui-ci. La politique est cet art prodigieux par lequel on parvient à faire vivre encore les mœurs antipathiques de plusieurs individus. Il faudrait savoir à présent ce que ce sens intérieur commande ou défend rigoureusement. Qui sait jusqu'à quel point la société l'a altéré? Qui sait si des préjugés si inhérents à notre constitution, que nous les prenons souvent pour la nature même, ne nous montrent pas des vices et des vertus là où ils n'en existent pas? Quel nom, par exemple, donnerons-nous à la pudeur, la lâcheté, le courage, le vol, si cette voie de la conscience n'était elle-même? Mais gardons-nous de creuser plus avant dans cet épouvantable abîme. J'en ai dit assez pour montrer en quoi les publicistes des temps d'innocence de la Grèce et les publicistes de nos jours diffèrent. Il est inutile d'en dire trop. En morale, nous trouvons les mêmes dissonances. Les sages considèrent l'homme sous les relations qu'il a avec lui-même. Ils voulurent qu'il tirât son bonheur du fond de son âme. Nos philosophes l'ont vu sous les connexions civiles et ont prétendu lui faire prélever ses plaisirs comme une taxe sur le reste de la communauté. De là ces résultats de leur sorte de maxime. Respectez les dieux, connaissez-vous, achetez au minimum de la société et vendez-lui au plus haut prix. Voici en quelques mots la somme totale des deux philosophies. Celle des beaux jours de la Grèce appuyée tout entière sur l'existence du grand être. La nôtre sur l'athéisme. Celle-là considérait les mœurs, celle-ci la politique. La première disait au peuple, soyez vertueux, vous serez libres. La seconde leur crie « Soyez libres, vous serez vertueux ». La Grèce, avec de tels principes, parvint à la République et au bonheur. Qu'obtiendrons-nous avec une philosophie opposée? deux angles de différents degrés ne peuvent donner deux arcs de la même mesure. Nous examinerons l'état des Lumières chez les nations contemporaines lorsque nous parlerons de l'influence de la révolution républicaine de la Grèce sur les autres peuples. Nous allons considérer maintenant cette influence sur elle-même. Chapitre 25. Influence de la révolution républicaine sur les Grecs, les biens. Les Grecs et les Français, dans une tranquillité profonde, vivaient soumis à des rois qu'une longue suite d'années leur avait appris à respecter. Soudain, un vertige de liberté les saisit. Ces monarques, hier encore l'objet de leur amour, ils les précipitent à coups de poignard de leur trône. La fièvre se communique, on dénonce guerre éternelle contre les tyrans. Quel que soit le peuple qui veuille se défaire de ses maîtres, il peut compter sur les régicides. La propagande se répand de proche en proche. Bientôt, il ne reste pas un seul prince dans la Grèce et les Français de notre âge jurent de briser tous les sceptres. L'Asie prend les armes en faveur d'un tyran banni. L'Europe entière se lève pour replacer un roi légitime sur le trône. Des provinces de la Grèce et de la France se joignent aux armes étrangères. Et l'Asie et l'Europe et les provinces soulevées viennent se briser contre une masse d'enthousiastes qu'elles semblaient devoir écraser. À l'hymne de Castor, à celle des Marseillais, les républicains s'avancent à la mort. Des prodiges s'achèvent au cri de « Vive la liberté !» et la Grèce et la France comptent Marathon, Salamine, Platée, Fleurus, Vaissembourg, Lodi. Alors ce fut le siècle des merveilles. Également ingrats et capricieux, les Athéniens jettent dans les fers, bannissent ou empoisonnent leurs généraux. Les Français forcent les leurs à l'émigration ou les massacrent. Et ne croyez pas que les succès s'en affaiblissent. Le premier homme pris au hasard se trouve un génie. Les talents sortent de la terre, les Thémistocles succèdent aux Miltiades, les Aristides aux Thémistocles, les Simons aux Aristides. Les Dumouriez remplacent les Lucneurs, les Custines, les Dumouriez, les Jourdans, les Custines, les Pichegrues, les Jourdans, etc. Ainsi, l'effet immédiat de la Révolution sur les Grecs et sur les Français fut haine implacable à la royauté, valeur indomptable dans les combats, constance à toute épreuve dans l'adversité. Mais cela, encore plein de morale, n'ayant passé de la monarchie à la République que par de longues années d'épreuves, dut recevoir de leur révolution des avantages que ceux-ci ne peuvent espérer de la leur. Les âmes des premiers s'ouvrirent délicieusement aux attraits de la vertu. Là, l'esprit de liberté épura l'âge qui lui donna naissance et éleva les générations suivantes à des hauteurs que les autres peuples n'ont pu atteindre. Là, on combattait pour une couronne de laurier. Là, on mourait pour obéir aux saintes lois de la patrie. Là, l'illustre candidat rejeté se réjouissait que son pays eût 300 citoyens meilleurs que lui. Là, le grand homme injustement condamné écrivait son nom sur la coquille ou buvait la ciguë. Là, enfin, la vertu était adorée, mais malheureusement, les mystères de son culte furent dérobés avec soin du reste des hommes. Chapitre 26. Suite. Les mots. Si telle fut l'influence de la révolution républicaine sur la Grèce considérée du côté du bonheur, sous le rapport de l'adversité, elle n'est pas moins remarquable. L'ambition, qui forme le caractère des gouvernements populaires, s'empara bientôt des républiques, comme il en arrive à présent à la France. Les Athéniens, non contents d'avoir délivré leur patrie, se laissèrent bientôt emporter à la fureur des conquêtes. Les armées des Grecs se multiplièrent sur tous les rivages. Nul pays ne fut en sûreté contre leurs soldats. On les vit courir comme un feu dévorant dans les îles de la mer Égée, en Égypte, en Asie. Les peuples, d'abord éblouis de leur succès gigantesque, revinrent peu à peu de leur étonnement lorsqu'ils virent que de si grands exploits ne tendaient pas tant à l'indépendance qu'aux conquêtes, et que les Grecs, en devenant libres, prétendaient enchaîner le reste du monde. Par degrés, il se fit contre eux une masse collective de haine, comme ces balles de neige qui d'abord échappaient à la main d'un enfant, parviennent, en se roulant sur elles-mêmes, à une grosseur monstrueuse. D'un autre côté, les Athéniens, enrichis de la dépouille des autres nations, commencèrent à perdre le principe du gouvernement populaire, la vertu. Bientôt, les places publiques ne retentirent plus que des cris des démagogues et des factieux. Les dissensions les plus funestes éclatèrent. Ces petites républiques, d'abord unies par le malheur, se divisèrent dans la prospérité, chacune voulut dominer la Grèce, des guerres cruelles entretenues par l'or de la Perse, plus puissant que ses armes, s'allumèrent de toutes parts. Pour mettre le comble au désordre, l'esprit humain, libre de toute loi par l'influence de la Révolution, enfanta à la fois tous les chefs-d'œuvre des arts et tous les systèmes destructeurs de la morale et de la société. Une foule de beaux esprits arrachèrent Dieu de son trône et se mirent à prouver l'athéisme. Des multitudes de légistes publièrent de nouveaux plans de république. Tout était inondé d'écrits sur les vrais principes de la liberté. Philippe et Alexandre parurent. Chapitre 27. État politique et moral des nations contemporaines au moment de la révolution républicaine en Grèce. Cette révolution considérée dans ses rapports avec les autres peuples, causes qui en ralentirent ou en accélérèrent l'influence. Il est difficile de tracer un tableau des nations connues au moment de la révolution républicaine en Grèce, l'histoire à cette époque n'étant pleine que d'obscurités et de fables. J'essaierai cependant d'en donner une idée générale au lecteur. D'abord, nous considérerons ces peuples séparément, ensuite nous les verrons agir en masse, à l'article de la Perse, au temps de la guerre médique. Prenant notre point de départ en Égypte, de là tournant au Midi et décrivant un cercle par l'ouest et le nord, nous reviendrons à la Perse, finir en Orient où nous aurons commencé. Placés à Athènes comme au centre, nous suivrons les rayons de la Révolution qui en partent et qui vont aboutir aux nations placées sur les différents degrés de cette vaste circonférence. Chapitre 28. L'Égypte. Au moment du renversement de la tyrannie à Athènes, l'Égypte n'était plus qu'une province de la Perse. Ainsi, elle fut exposée, comme le reste de l'État dont elle formait un des membres, à toute l'influence de la Révolution grecque. Elle se trouvera donc comprise en général dans ce que je dirais de l'Empire de Cyrus. Nous examinerons seulement ici quelques circonstances qui lui sont particulières. De temps immémorial, les Égyptiens avaient été soumis à un gouvernement théocratique. Ainsi que les nations de l'Inde, dont ils tiraient vraisemblablement leur origine, ils étaient divisés en trois classes inférieures, de laboureurs, de pasteurs et d'artisans. Chaque homme était obligé de suivre, dans l'ordre où le sort l'avait jeté, la profession de ses pères, sans pouvoir changer d'étude selon son génie ou le temps. Que dis-je, ce n'eût pas été assez. Dans ce pays d'esclavage, l'esprit humain devait gémir sous des chaînes encore plus pesantes. L'artiste ne pouvait suivre qu'une ligne de ses études, et le médecin qu'une branche de son art. Mais, en redoublant les liens de l'ignorance autour du peuple, ses chefs avaient aussi multiplié ceux de la morale. Ils savaient qu'il est inutile de donner des entraves au génie pour éviter les révolutions si on ne gourmande en même temps les vices qui conduisent au même but par un autre chemin. Le respect des rois et de la religion, l'amour de la justice, la vertu de la reconnaissance formaient le code de la société chez les Égyptiens, et s'ils étaient les plus superstitieux des hommes, ils en étaient aussi les plus innocents. L'Égypte de tous les temps avait fait un commerce considérable avec les Indes. Ses vaisseaux allaient, par les mers de l'Arabie et de la Perse, chercher les épices, l'ivoire et les soies de ces régions lointaines. Ils s'avançaient jusqu'à la Trapobane, la Ceylan des modernes. Sur cette côte, les Chinois et les nations situées au-delà du cap Comarian apportaient leurs marchandises à l'époque du retour périodique des flottes égyptiennes et recevaient en échange l'or de l'Occident. Mais tandis que le peuple était livré, par système, aux plus affreuses ténèbres, les lumières se trouvaient réunies dans la classe des prêtres. Ils reconnaissaient les deux principes de l'univers, la matière et l'esprit. Ils appelaient la première « Hathor » et la seconde « Knef ». Celui-ci, par l'énergie de sa volonté, avait séparé les éléments confondus, produit tous les corps, tous les effets, en agissant sur la masse inerte. Le mouvement, la chaleur, la vie répandue sur la nature leur fit imaginer une infinité de moyens où ils voyaient une multitude d'actions. Ils crurent que des émanations du grand être flottaient dans les espaces et animaient les diverses parties de l'univers. Ils tenaient l'âme immortelle, et Hérodote prétend que ce furent eux qui enseignèrent les premiers ce dogme fondamental de toute moralité. Ils adressaient cette prière au ciel dans leur pompe funèbre. « Soleil, et vous, puissance, qui dispensez la vie aux hommes, recevez-moi et accordez-moi une demeure parmi les dieux immortels. » d'autres sectes des prêtres enseignaient la doctrine de la transmigration des hommes. La physique, considérée dans tous les rapports de l'astronomie, la géométrie, la médecine, la chimie, etc., était cultivée par les prêtres égyptiens avec un succès inconnu aux autres peuples et surtout aux Grecs au moment de leur révolution. La science sublime des gouvernements leur était aussi révélée. Pythagore, Thalès, Lycurgue, Solon, sortis de leur école, prouvent également cette vérité. Les Égyptiens comptèrent des auteurs célèbres, les deux Hermès, le premier inventeur, le second restaurateur des arts, Sérapis, qui enseigna à guérir les maux de ses semblables. Leurs livres ont péri dans les révolutions des empires, mais leurs noms sont conservés parmi ceux des bienfaiteurs des hommes. Si l'on en croit les alchimistes, la transmutation des métaux fut connue des savants d'Égypte. Au reste, c'est dans ce pays, dont tout amant des lettres ne doit prononcer le nom qu'avec respect, que nous trouvons les premières bibliothèques. Comme si la nature eût destiné cette contrée à devenir la source des Lumières, elle y avait fait croître exprès le papyrus pour y fixer les découvertes fugitives du génie. Malheureusement, les signes mystérieux dans lesquels les prêtres enveloppaient leurs études ont privé l'univers d'une foule de connaissances précieuses. J'ai un doute à proposer aux savants. Les Égyptiens étaient vraisemblablement indiens d'origine, la langue philosophique du premier peuple n'était-elle point la même que la langue enscrite des derniers? Celle-ci est maintenant entendue. Ne serait-il point possible d'expliquer l'autre par son moyen? En rangeant sous sa puissance les diverses nations disséminées sur les bords du Nil, Cambyse favorisa la propagation des arts. Jusqu'alors, les Égyptiens, jaloux des étrangers, ne les admettaient qu'avec la plus grande répugnance à leurs mystères. Lorsqu'ils furent devenus sujets de la Perse, l'entrée de leur pays s'ouvrit alors aux amants de la philosophie. C'est de ce coin du monde que l'aurore des sciences commença à poindre sur notre horizon. Et l'on vit bientôt les lumières s'avancer de l'Égypte vers l'Occident comme l'astre radieux qui nous vient des mêmes rivages. Chapitre 29. Obstacles qui s'opposèrent à l'effet de la révolution grecque sur l'Égypte, ressemblance de ce dernier pays avec l'Italie moderne. En considérant attentivement ce tableau, on aperçoit deux grandes causes qui durent amortir l'action de la révolution grecque sur l'Égypte. La première se tire de la subdivision régulière des classes de la société. Cette institution donne un tel empire à l'habitude chez les peuples où elle règne que leurs mœurs semblent éternelles comme leurs états. En vain, de telles nations sont subjuguées, elles changent de maître sans changer de caractère. Elles ne sont pas, il est vrai, totalement à l'abri des mouvements internes. Le génie des hommes, tout affaissé qu'il soit du poids des chaînes, les secoue par intervalles avec violence, comme ces titans de la fable qui, bien qu'ensevelis dans les abîmes de l'Etna, se retournent encore quelquefois sous la masse énorme et ébranlent les fondements de la terre. Auprès de ce premier obstacle s'en élevait un second, d'autant plus insurmontable à l'esprit de liberté qu'il tient à un ressort puissant de notre âme, la superstition. Les prêtres avaient trop d'intérêt à dérober la vérité au peuple pour ne pas opposer toutes les ressources de leur art à l'influence d'une révolution qui eût démasqué leur artifice. L'homme n'a qu'un mal réel, la crainte de la mort. Délivrez-le de cette crainte et vous le rendez libre. Aussi, toutes les religions d'esclaves sont-elles calculées pour augmenter cette frayeur. La caste sacerdotale égyptienne avait eu soin de s'entourer de mystères redoutables et de jeter la terreur dans les esprits crédules de la multitude, par les images les plus monstrueuses. C'est ainsi encore qu'ils appuyaient le trône de toute la force de leur magie, afin de gouverner et le prince, dont ils commandaient le respect au peuple, et le peuple, qu'ils faisaient obéir au prince. Si l'Égypte eût été une puissance indépendante au moment de la révolution grecque, elle aurait peut-être échappé à son influence. Mais elle ne formait plus qu'une province de la Perse, et elle se trouva enveloppée dans les malheurs de l'empire auquel le sort l'avait asservie. L'antique royaume de Sésostris offrait alors des rapports frappants avec l'Italie moderne. Gouverné en apparence par des monarques, en réalité par un pontife maître de l'opinion, il se composait de magnificence et de faiblesse. On y voyait de même de superbes ruines et un peuple esclave, les sciences parmi quelques-uns, l'ignorance chez tous. C'est sur les bords du Nil que les philosophes de l'Antiquité allaient puiser les lumières. C'est sous le beau ciel de Florence que l'Europe barbare a rallumé le flambeau des lettres. Dans les deux pays, elle s'était conservée sous le voile mystérieux d'une langue savante, inconnue au vulgaire. Ce fut encore le lot de ces contrées d'être, dans leur âge respectif, les seuls canaux d'où les richesses des Indes coulassent pour le reste des peuples. Avec tant de conformité de mœurs, de circonstances, l'Égypte et l'Italie durent éprouver à peu près le même sort, l'une au temps des troubles de la Grèce, l'autre dans la révolution présente. Entraînée malgré elle dans une guerre désastreuse par l'impulsion coercitive d'une autre puissance, la première province du grand empire des Perses, la seconde soumise en partie à celui d'Allemagne, il leur fallut livrer des batailles pour la cause d'une nation étrangère et s'épuiser dans des querelles qui n'étaient point les leurs. Bientôt, les ennemis victorieux tournèrent leurs armes et leurs intrigues encore plus dangereuses contre elles. Ils soulevèrent l'ambition de quelques particuliers et l'on vit la terre sacrée des talents ravagée par des barbares. Les Perses, cependant, parvinrent à arracher l'Égypte des mains des Athéniens et de leurs alliés, mais ce ne fut qu'après 6 ans de calamité. Elle finit par passer sous le joug de ces mêmes Grecs au temps des conquêtes d'Alexandre, conquêtes qu'on peut regarder elles-mêmes comme l'action éloignée de la révolution républicaine de Sparte et d'Athènes. Chapitre 30. Carthage. Nous trouvons sur la côte d'Afrique les célèbres Carthaginois, qui de tous les peuples de l'Antiquité présentent les plus grands rapports avec les nations modernes. Aristote a fait un magnifique éloge de leurs institutions politiques. Le corps du gouvernement était composé de 2 suffètes ou consuls annuels, d'un sénat, d'un tribunal des 100 qui servait de contrepoids aux 2 premières branches de la Constitution, d'un conseil des 5 dont les pouvoirs s'étendaient à une espèce de censure générale sur toute la législature, enfin de l'Assemblée du peuple, sans laquelle il n'y a point de république. Carthage adopta en morale les principes de Lacédémone. Elle bannit les sciences et défendit même qu'on enseignât le grec aux enfants. Elle se mit ainsi à l'abri des sophismes et de la faconde de l'Attique. Il serait inutile de rechercher l'état des Lumières chez un pareil peuple. Je parlerai incessamment de la partie des arts dans laquelle il avait fait des progrès considérables. Atroces dans leur religion, les Carthaginois jetaient, en l'honneur de leur dieu, des enfants dans des fours embrasés. Soit qu'ils crussent que la candeur de la victime était plus agréable à la divinité, soit qu'ils pensassent faire un acte d'humanité en délivrant ces êtres innocents de la vie avant qu'ils en connussent l'amertume. Leurs principes militaires différaient aussi de ceux du reste de leur siècle. Ces marchands africains, renfermés dans leurs comptoirs, laissaient à des mercenaires, de même que les peuples modernes, le soin de défendre la patrie. Ils achetaient le sang des hommes au prix de l'or acquis à la sueur du front de leurs esclaves et tournaient ainsi au profit de leur bonheur la fureur et l'imbécillité de la race humaine. Mais les habitants des terres puniques se distinguaient surtout par leur génie commerçant. Déjà, ils avaient jeté des colonies en Espagne, en Sardaigne, en Sicile, le long des côtes du continent de l'Afrique, dont ils osèrent mesurer la vaste circonférence. Déjà, ils s'étaient aventurés jusque au fond des mers dangereuses des Gaules et des îles Cassitérides. Malgré l'état imparfait de la navigation, l'avarice, plus puissante que les inventions humaines, leur avait servi de boussole sur les déserts de l'océan. Chapitre 31. Parallèle de Carthage et de l'Angleterre, leur constitution. J'ai souvent considéré avec étonnement les similitudes de mœurs et de génie qui se trouvent entre les anciens souverains des mers et les maîtres de l'océan d'aujourd'hui. Ils se ressemblent et par leur constitution politique et par leur esprit à la fois commerçant et guerrier. Examinons le premier de ces 2 rapports. Que leurs gouvernements étaient les mêmes, c'est ce qui se prouve évidemment par les principes. La chose publique se composait à Carthage, ainsi qu'en Angleterre, d'un roi et de 2 chambres. La première, appelée le Sénat, est représentant les communes. La seconde, connue sous le nom du Conseil des 100. Cette puissance, en s'ajoutant ou en se retranchant, selon les temps, aux 2 autres membres de la législature, devenait, de même que les pairs de la Grande-Bretagne, le poids régulateur de la balance de l'État. Mais comment arrivait-il que la constitution punique fût républicaine et la constitution anglaise monarchique? par une de ces opérations merveilleuses de politique que je vais tâcher d'expliquer. Supposons une proportion politique, dont les moyens soient P, S, R. Si vous intervertissez l'ordre de ces lettres, vous aurez des rapports différents, mais les termes resteront les mêmes. Le gouvernement de Carthage était composé de trois parties, le peuple, le Sénat et les rois, P, S, R. Elle était une république parce que le peuple en corps était législateur et formait le premier terme de la proportion. Pour rendre cette constitution monarchique, sans en altérer les principes, c'est-à-dire sans la rendre despotique, qu'aurait-il fallu faire ? Changer notre proportion PSR en cette autre RSP, c'est-à-dire transposant les moyens extrêmes P et R. Le pouvoir législatif se trouvant alors dévolu au roi et au Sénat, en même temps que le peuple en retient encore une troisième partie. Mais si le peuple, n'étant plus qu'un tiers du législateur, continue d'exercer encore ses fonctions, la proportion est illusoire, car là où la nation s'assemble en masse, là existe une république. Le peuple, dans ce cas, ne peut donc qu'être représenté. De là, la constitution anglaise. Et l'un et l'autre gouvernement seront excellents, le premier à Carthage, chez un petit peuple simple et pauvre, le second en Angleterre, chez une grande nation cultivée et riche. À présent, si dans notre proportion politique, après avoir changé les deux termes extrêmes, toujours en conservant les trois moyens primitifs PSR, nous voulions trouver la pire des combinaisons, que ferions-nous ? Ce serait de n'admettre ni de roi ni de peuple, mais d'avoir je ne sais quoi qui en tiendrait lieu, et c'est précisément ce que nous avons vu faire en France. En laissant dehors les deux termes P et R, la Convention a rejeté les deux principes sans lesquels il n'y a point de gouvernement. Les Français ne sont point sujets puisqu'ils n'ont point de roi, ni républicains parce que le peuple est représenté. Qu'est-ce donc que leur constitution ? Je n'en sais rien. Un chaos qui a toutes les formes sans en avoir aucune. Une masse indigeste où les principes sont tous confondus. Ou plutôt, c'est le terme moyen de notre proportion S, multiplié par les deux extrêmes, P et R. C'est le Sénat enflé de tout le pouvoir du roi et du peuple. Que sortira-t-il de ce corps gros de puissance et de passion ? Une foule de sales tyrans qui, nés et nourris dans ses entrailles, en sortiront tout à coup pour dévorer le peuple et le monstre politique qui les aura enfantés. Quant aux autres colonnes de la législation punique, simples appendices de l'édifice, elles ne servaient qu'à en obstruer la beauté sans ajouter à la solidité de l'architecture. Au reste, les gouvernements de Carthage et d'Angleterre, qui ont joui des mêmes applaudissements, ont aussi partagé les mêmes censures. Les peuples contemporains leur reprochèrent la vénalité et la corruption dans les places de sénateurs. Polybe remarque que ce peuple africain, si jaloux de ses droits, ne regardait pas un pareil usage comme un crime. Peut-être avait-il senti que de toutes les aristocraties, celle des richesses, lorsqu'elle n'est pas portée à un trop grand excès, est la moins dangereuse en elle-même, le propriétaire ayant un intérêt personnel au maintien des lois, tandis que l'homme sans propriété tend sans cesse par sa nature à bouleverser et à détruire. Chapitre 32. Les deux parties dans le Sénat de Carthage, Hannon, Barca. Mêmes institutions, mêmes choses, mêmes hommes, comme de moules pareils, il ne peut sortir que des formes égales. Le Sénat de Carthage, tel que le Parlement d'Angleterre, se trouvait divisé en deux parties, sans cesse opposées d'opinions et de principes. Dirigé par les plus grands génies et par les premières familles de l'État, ces factions éclataient surtout en temps de guerre et de calamité nationale. Il en résultait pour la nation cet avantage que les rivaux, se surveillant afin de se surprendre, avaient un intérêt personnel à aimer la vertu en tant qu'elle leur était personnellement utile, et à haïr le vice dans les autres. L'histoire de ces dissensions politiques, au moment de la révolution républicaine en Grèce, ne nous étant pas parvenue, nous la considérerons dans un âge postérieur à ce siècle, en en concluant par induction l'état passé de la métropole africaine. C'est à l'époque de la Seconde Guerre punique que nous trouvons la flamme de la discorde brûlant de toutes parts dans le Sénat de Carthage. Hannon, distingué par sa modération, son amour du bien public et de la justice, brillait à la tête du parti qui, avant la déclaration de la guerre, opinait aux mesures pacifiques. Il représentait les avantages d'une paix durable sur les hasards d'une entreprise dont les succès incertains coûteraient des sommes immenses et finiraient peut-être par la ruine de la patrie. Hamilcar, surnommé Barca, père d'Hannibal, d'une famille chère au peuple, soutenu de beaucoup de crédit et d'un grand génie, entraînait après lui la majorité du Sénat. Après sa mort, la faction Barcine continua de se prononcer en faveur des armes. Sans doute, elle faisait valoir l'injustice des Romains qui, sans respecter la foi des traités, s'étaient emparés de la Sardaigne. Ainsi, la Hollande a amené de nos jours la rupture entre la France et l'Angleterre. Durant le cours des hostilités, la minorité ne cessa de combattre les résolutions adoptées. Tantôt, elle s'efforçait de diminuer les victoires d'Hannibal, tantôt d'exagérer ses revers. Elle jetait 1000 entraves dans la marche du gouvernement, et, sans le génie du général carthaginois, son armée, faute de secours, périssait totalement en Italie. Vers la fin de la guerre, les partis changèrent d'opinion. Hannibal, bien que de la majorité, après la bataille de Zama, parla avec chaleur en faveur de la paix. Un seul sénateur eut le courage de s'y opposer. Gisgon représenta que ses concitoyens devaient plutôt périr généreusement les armes à la main que de se soumettre à des conditions honteuses. L'homme illustre répliqua qu'on devait remercier les dieux quand des circonstances si alarmantes, les Romains se montrassent encore disposés à des négociations. Son avis prévalut. L'on dépêcha en Italie des ambassadeurs du parti d'Annon qui, amusant leurs vainqueurs du récit de leur querelle domestique, se vantaient que si l'on eût d'abord suivi leurs conseils, ils n'auraient pas été obligés de venir mendier la paix à Rome. Fin de la section 4.